Pandnamai, ou le livre des conseils de Ferid et Dinatar. Chapitre 21. En quoi consiste la prévoyance de l'avenir? Si tu veux éviter l'affliction et la peine, il faut que ta main s'éloigne de deux choses, qu'elle s'abstienne des biens du monde et des objets de ses passions, et le malheur n'aura point d'accès auprès de toi. Mais si tu te laisses emporter par l'avidité des désirs et par la concupiscence, les chagrins t'accableront de toutes parts. Celui qui n'a point d'argent comptant dans sa ceinture, est en sûreté dans quelque lieu qu'il se trouve. Renonce, mon fils, au monde et à tes passions, tu seras à l'abri des malheurs et des dangers. Combien d'hommes ont été précipités dans l'affliction par leur convoitise? Ils sont tombés dans le malheur, et le chagrin les a consumés. Ainsi l'oiseau attiré par un appât séducteur, n'obtient pas l'objet de ses désirs, et tombe dans le piège de l'oiseleur. Si tu veux, ô mon fils, que ton cœur possède la paix, regarde d'un œil indifférent les jouissances du monde et les privations. N'oublie pas, dans une dangereuse sécurité, la puissance et les châtiments du Très-Haut. Garde-toi de porter le chagrin dans l'âme du fidèle. Si tu es dans l'affliction, n'implore l'assistance d'aucun mortel, car Dieu seul peut te secourir. Demande pardon à tous ceux que tu as offensés, afin qu'au jour du jugement ils ne s'élèvent point contre toi. Celui qui désire les faveurs du Dieu qui se plaît à répandre des bienfaits, obtiendra l'objet de ses vœux, s'il sait se contenter de son sort. Chapitre 22. De quatre choses dont doivent se garder les hommes sages et instruits. Tout homme instruit et sage doit éviter quatre choses. Il ne doit point confier le soin de ses affaires à un homme malhonnête, ni prodiguer ses bienfaits à celui qui en est indigne. Si tu es sage, tu t'éloigneras de tout penchant à l'injustice, et après avoir évité ce défaut, tu te garderas de tomber dans une légèreté inconsidérée. Veux-tu t'élever dans ce monde au-dessus de tous les hommes, que ta main soit continuellement ouverte pour distribuer le pain et le sel à l'indigent. Tant que tu seras chargé de rendre la justice aux hommes, ne t'occupe, ô mon fils, qu'à faire du bien à ceux qui te seront soumis. On s'empressera de suivre les avis de celui qui pratique constamment ses propres préceptes, mais quiconque méprise lui-même les sages conseils qu'il donne, ne sera point écouté de ses semblables. Homme prudent, ne t'approche point des choses que la loi réprouve, si tu veux en toute occasion connaître ce qu'il convient de faire. Ne règle point tes actions sur les désirs de ton cœur. Note. À propos de quiconque méprise lui-même les sages conseils qu'il donne ne sera point écouté de ses semblables. Saadi dit dans le Gulistan, lorsqu'un docteur se contente de donner de bons avis et ne fait rien de plus, ses discours ne font aucune impression sur ceux qui l'écoutent. Cependant, comme le dit le même auteur, l'homme sage est celui qui profite des bons avis, de quelque part qu'ils viennent. Écoute, et reçois dans ton cœur les paroles de l'homme savant, quand même sa conduite ne serait pas conforme à ses discours. C'est une fausse maxime que celle de l'orgueil qui dit, « Comment un homme endormi peut-il tirer un autre du sommeil ? » Il est du devoir de l'homme de recevoir les sages avis, ne fussent-ils écrits que sur une muraille. Gulistan, livre 2. Suivant le même Saadi, un savant qui ne pratique point est un arbre sans fruits, et un religieux ignorant est une maison sans porte. Gulistan, livre 8. Il dit encore, le savant qui ne pratique pas est une abeille qui ne donne pas de miel, et il ajoute, dis au frelon cruel et grossier, puisque tu ne fais pas de miel, du moins ne pique pas avec ton aiguillon. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de censurer et de reprendre les autres, quand on ne pratique pas soi-même la vertu et la sagesse. Chapitre 23. En quoi consiste le salut? Le salut consiste certainement en trois choses, écoute-moi, mon ami, et conserve le souvenir de mes paroles. La première est la crainte du Dieu Très-Haut, la seconde, la fidélité à n'user que des nourritures permises par la loi, la troisième enfin, l'exactitude à marcher dans les sentiers d'une justice parfaite. Quiconque possède ces vertus a trouvé le salut. Si tu pratiques l'humilité, jeune homme, tu seras aimé de toutes les créatures. N'incline point ta tête devant l'homme riche des biens de ce monde, si tu le fais, tu perdras certainement ta piété. Ne loue point le riche à cause de l'or qu'il possède, qu'as-tu besoin de ce cadavre infect? Les riches, comblés des dons de la fortune, sont semblables à des morts. Mon fils, n'aie point de société avec les morts. Suppose que tu aies amassé des richesses, accumulé de l'or tant qu'il te plaira, et qu'après tout cela tu te trouves porté dans le tombeau, où il n'y a que regrets et gémissements, à quoi te servira toute cette opulence que tu auras quittée? J'ai ajouté les mots à quoi te servira, etc., pour mieux déterminer le sens qui, sans cela, dans la traduction, aurait paru incomplet. Saadi a dit avec beaucoup d'élégance, que ce soit un conquérant toujours favorisé de la fortune, ou un pauvre réduit à mendier sa subsistance, à l'heure où tous deux devront subir la mort, ils n'emporteront de ce monde rien de plus qu'un linceul. Lorsqu'il te faudra plier tes bagages pour quitter un empire, la pauvreté sera bien préférable à un diadème. Gulistan, livre 2. Djami, dans le Béaristan, termine une de ses fables par ces vers, « Ne te charge pas, mon ami, d'une grande quantité d'or, car à la fin tu te trouveras dupe de tes efforts. » Quand tu te seras engraissé de bien et de volupté, comment, pense-y bien, pourras-tu sortir d'ici, avec ce corps énorme, je ne sais comment tu pourras passer par la porte de la mort. Chapitre 24. Des louanges de Dieu. Mon fils, si tu connais la justice et l'équité de Dieu, sois toujours occupé de lui. Que cette pensée sanctifie pour toi le matin et le soir, ne passe pas tes jours dans l'oubli et la négligence. La pensée de Dieu est la nourriture de l'âme, elle est le remède des plaies du cœur. Si ton cœur est accoutumé au souvenir de Dieu, comment l'amour des palais et des kiosques les plus beaux pourra-t-il avoir quelque empire sur toi? Si tu oublies un seul moment ce Dieu plein de miséricorde, tu es dans cet instant le compagnon de Satan. Que la louange de Dieu, ô vrai croyant, soit souvent le sujet de tes discours, afin que la gloire soit ton partage dans ce monde et dans l'autre. La sincérité de la foi est la première condition qui doit accompagner la louange de Dieu, sans cette foi sincère, comment serait-elle véritable? Il y a trois manières de louer Dieu, ne regarde pas ceci comme un discours vain et mensonger. Le commun des hommes ne le loue que de la langue, ses fidèles serviteurs le louent du fond du cœur, mais il est une louange secrète et mystérieuse, qui n'appartient qu'à ceux qui font profession d'une union plus parfaite avec lui. Note. L'auteur veut parler sans doute des méditations spirituelles et extatiques des soufis, sorte de quiétisme ou de délire dans lequel l'âme, livrée à une espèce d'insensibilité pour tout objet autre que la divinité, semble étrangère à toutes les choses, soit temporelles, soit spirituelles. C'est cet état que Hafiz peint si souvent dans ses odes, sous les emblèmes du vin et de l'amour. Deux exemples seront donnés en fin de chapitre. Quiconque ne loue point Dieu est misérable et perdu sans ressources. Parler de lui sans lui rendre gloire, c'est une impiété condamnable, mais il y a encore une autre condition indispensable, c'est de le faire avec respect. Tous les membres du corps ont chacun leur manière propre de le louer. Oui, mon fils, chacun des sept membres le glorifie d'une manière qui lui est particulière. La main le loue, en soulageant celui qui succombe sous le poids de son fardeau, le pied, en visitant ses proches, l'œil, en versant des larmes par la crainte de ses jugements, ou en considérant les ouvrages de sa toute-puissance, l'oreille, en écoutant sa parole. Consacre, autant qu'il te sera possible le jour et la nuit aux louanges du Seigneur. Le désir de jouir de lui sera la louange qui convient à ton cœur. Travaille sans relâche jusqu'à ce que tu parviennes à le louer de cette manière. L'insensé qui est toujours plongé dans le péché, peut-il trouver quelque douceur dans les louanges de Dieu? La langue le loue, en lisant les préceptes du Coran, celui qui ne remplit point ce devoir est du nombre des malheureux. Rend à Dieu de continuelles actions de grâce de ses bienfaits, pour que sa bonté te comble de tous ses dons. Que les louanges de Dieu soient continuellement sur ta langue, afin que tu échappes au feu du désespoir qui consumera les méchants. Ne remue les lèvres que pour prononcer les louanges du Créateur, car telle a toujours été l'occupation des saints. C'est-à-dire, suivant la glosse turque, des prophètes et des amis de Dieu. Ode de Hafiz. L'image de ta face est notre fidèle compagne, dans quelque route que nous marchions, l'odeur qu'exhale ta chevelure, est le lien favori de notre âme, qui la tient captive. En dépit des orgueilleux qui voudraient nous interdire l'amour, la beauté de ton visage est l'argument invincible qui nous justifie. Écoute ce que dit la pomme charmante de ton menton, mille beautés semblables à Joseph l'Égyptien sont tombées dans cette fosse. Si notre main ne peut atteindre jusqu'aux anneaux de ta longue chevelure, la faute en est à notre mauvaise étoile et à notre main trop courte. Dis à celui qui veille à la porte de l'appartement le plus secret du palais où tu résides, un tel est du nombre de ces dévots solitaires qui habitent la poussière de notre cœur. Quoi qu'il paraisse à l'extérieur caché à nos regards, il est toujours présent aux yeux de notre cœur, qui se plaît à recevoir ses vœux. Si Hafiz vient frapper à l'une de nos portes avec l'apparence d'un mendiant, ouvre-lui, car il y a bien des années qu'il soupire après l'aspect de notre visage, rival de l'astre de la nuit. Autre ode du même. Mon cœur est la tente au sein de laquelle repose son amour, mon œil contient le miroir où se peint son visage. Moi qui ne daigne pas abaisser la tête vers l'un ou l'autre monde, je plie le cou sous le fardeau du désir qui m'oppresse, d'obtenir ses faveurs. Recherche, si tu veux, l'arbre du paradis, tout bas, moi je ne recherche que la taille de celui que j'aime, les pensées de chacun sont en proportion de l'élévation de son génie. Que serais-je, moi? Dans ce sanctuaire où le zéphyr veille à la porte de la demeure sacrée de sa majesté. Si je porte des vêtements souillés, qu'importe cela, pourvu que l'univers entier rende témoignage à son ineffable pureté. Le siècle de l'amour Medjnoun est passé, notre tour est venu, 5 jours, hélas, voilà le temps accordé à chacun de nous. Si je possède le domaine du sincère amour et le réduit de la joie, ses biens et tout ce que j'ai, je le dois au bonheur de vivre sous son empire. Pourquoi hésiterais-je à sacrifier pour lui mon existence et mon cœur? Sa conservation est l'unique objet de mes vœux. Puissent mes yeux être toujours remplis de son image, puisque c'est dans ce réduit étroit qu'il se manifeste d'une manière plus intime. Chaque rose nouvelle qui orne le parterre, n'est qu'une faible image des charmes que sa société offre à la vue et à l'odorat. Garde-toi d'envisager mon extérieur pauvre, car le sein de Hafiz est le lieu qui recèle le trésor de son amour. On trouvera encore, dans la suite de cet ouvrage, quelques autres petits poèmes de ce genre. Chapitre 25. De quatre qualités qui sont utiles aux hommes. Quatre choses sont bonnes à tous les hommes, je vais te les dire, grave-les dans ta mémoire. La première chose que je te recommande, c'est d'être exact observateur de la justice, la seconde, de connaître la portée de ta raison. Joins à cela le soin de mériter la faveur de Dieu par la patience, et de rendre à chacun les égards qui lui sont dus. Note. Le rabbin Emmanuel a dit, le sage a dit, quel est entre les mortels l'homme le plus respectable et digne du rang le plus élevé? C'est celui qui loue Dieu du bien qui lui arrive, et qui supporte patiemment le mal. Florilège hébraïque, page 247. Dans l'Anvaris Ohéli, on lit ce distique persan, que l'on te verse un vin limpide, ou plein de lit. Ce n'est pas ton affaire, avale la coupe avec résignation, car tout ce que nous a versé notre échanson, est un pur don de sa bonté. Le motif proposé ici à l'homme pour l'engager à supporter les maux avec patience, porte avec lui une consolation que n'offrent pas les moralistes qui ne fondent le devoir de la patience que sur l'impuissance de l'homme pour s'opposer à sa destinée, comme dans le vers suivant de Publius Syrus. Supporte, sans te plaindre, ce qui ne peut se changer. Et dans ceci d'un poète grec, Solon, le destin départit aux humains le bien ou le mal. Et l'on ne saurait éviter le sort que nous ont assigné les dieux immortels. Confère, Brac, Poésie gnomique. Saadi a dit dans le même sens, que la bouche d'un mortel prodigue les actions de grâce, ou se plaigne et pousse mille gémissements, le destin ne changera pas pour cela. L'ange préposé à la garde du trésor qui renferme les vents, se met peu en peine que la lampe d'une pauvre veuve s'éteigne. Gulistan, livre 8. Chapitre 26. De quelques qualités mauvaises. Homme sensé et vertueux, il est quatre autres choses qui sont les plus détestables de toutes les qualités. La première est la jalousie, qui engendre la haine. La seconde, l'orgueil et l'amour propre. Se livrer sans retenue à l'impétuosité de sa colère, est encore un de ses défauts. Le dernier est l'avarice. Mon fils, éloigne-toi de ces inclinations perverses, car les actions qu'elles inspirent sont mauvaises et honteuses. Abstiens-toi de toute fraude et de toute injustice, sois pur comme l'or. Que l'humilité t'abaisse jusque dans la poussière, avant que ton corps soit rendu à la terre. Renonce à la cupidité, sois content de ton sort, que la mort enfin soit l'objet de tes pensées. Divers manuscrits et la traduction turque ajoutent ce vers, sois toujours assis au milieu de tes amis, évite, autant que possible, de voir le visage de tes ennemis. Mais il est déplacé ici, et il appartient au chapitre 10, où on l'a déjà lu. Chapitre 27. Des indices du malheur. Quatre choses sont les signes de l'infortune, si ton esprit est éclairé, conserve-en le souvenir. Prendre conseil d'un sot, est une source de revers, s'en serait une autre, de confier son or et son argent à un insensé. Quiconque ne reçoit point avec reconnaissance les conseils de ses amis, est un étourdi qui ne peut manquer d'être véritablement malheureux. Celui-là ne l'est pas moins qui ne profite point, pour s'instruire, des événements journaliers de ce monde, il est l'objet du mépris et de l'exécration des hommes. Celui qui prend conseil d'un sot, tombe dans les pièges de Satan, qui le rendra semblable à un chien égaré. Quand on confie ses richesses à des insensés, peut-on espérer d'être du nombre des hommes fortunés? Lorsqu'un insensé a de l'argent entre les mains, il le prodigue et le dissipe en dépenses frivoles. L'insensé n'écoute point les conseils d'un ami, il porte l'imprudence jusqu'à rompre les liens de l'amitié. Jeune homme, mets à profit les événements, et qu'ils te servent d'instruction, afin que tu ne sois point du nombre des insensés. Quiconque sait ce que c'est que le bon sens, croit que reculer en arrière c'est s'égarer de son chemin. Saadi a dit, instruis-toi par le malheur des autres, afin que les autres ne s'instruisent pas à tes dépens. Gulistan livre 8. Markemdanarchive.org 2021 d'après Gallica BNF FR et Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial partage à l'identique.